Chapitre 13. En novembre, monsieur et madame de Camparennes allèrent passer un mois à Paris. Ils emmenaient Gemma, le comte ayant l'intention de continuer son travail avec elle. Ce fut un nouveau crève-cœur pour Mao. Elle eut presque un accès de désespoir en embrassant Gemma au moment du départ. « Dire qu'il me sait qu'être ici alors que rien ne l'empêche de voyager !» En tout cas, il pourrait se passer de moi pendant 3 ou 4 semaines. Quoi qu'il prétende, je ne lui suis pas indispensable. Ah, ce château, ce pays, je les ai en horreur !» Gemma ne s'en allait pas sans appréhension en voyant sa sœur en de semblables dispositions. Les deux lettres qu'elle reçut pendant son absence la confirmèrent dans ses craintes. L'amertume, la colère, s'y donnaient libre cours. Dans la seconde, Mao disait « Je m'ennuie, je m'ennuie. La musique elle-même m'excède. Je ne vois personne, en dehors de Laetitia, qui n'a rien de récréatif. Brigida n'est pas montée à Bruxelles depuis votre départ. Salvatore ne paraît pas au château. Dimanche, en sortant de la messe, je lui ai dit « J'ai bien envie d'aller vous rendre visite cet après-midi pour voir vos statues. » Il m'a répondu « Je vous recevrai avec plaisir, ma cousine, pourvu que vous ayez l'autorisation de Lionel. »« Comment ?» ai-je répliqué. « Il faut que je demande à mon mari la permission d'aller voir son cousin. Ce serait un peu fort. »« Avec un autre peut-être, mais pas avec Lionel. » »« Ne voyez dans mon refus rien d'offensant pour vous, Mao, mais simplement une précaution que je prends contre lui, contre ses interprétations fantaisistes, des fêtes les plus simples. » J'ai compris qu'il faisait allusion à ce qu'on racontait au sujet de Juliette, mais je n'ai pas osé lui en parler. Enfin, voilà, à cause de Lionel encore, j'ai dû me priver de cette petite distraction. Car je ne le lui ai pas demandé. Je n'ai pas envie de m'entendre dire, avec ce sourire que je trouve maintenant crispant, « Décidément, chère, la société de votre mari ne vous suffit pas. Combien vous me peinez, petite ingrate !» Madame de Camparennes, de son côté, fit un jour allusion devant Gemma au mauvais caractère de Mao. Lionel en souffrait beaucoup, ainsi qu'il lui disait dans une récente lettre. « Il a cependant une nature si patiente, si aimable, » ajouta la vieille dame. « Cela vaut bien quelques sacrifices de la part d'une femme. » Gemma pensa. « Et vous, qui avez traîné votre mari sur toutes les routes du globe, sans souci de ses goûts, de sa fatigue ?» Ces réflexions de la vieille dame la blessaient, mais que pouvait-elle dire ? La patience, l'amabilité de Lionel, tout son entourage les attesterait, comme il accuserait Mao de maussaderie, d'ingratitude, d'égoïsme. En elle-même, Gemma, si elle n'avait si bien pénétré le caractère de Lionel, n'en jugerait-elle pas ainsi ? En revenant à Bruxelles, elle éprouvait une anxiété mélangée de soulagement. Bien qu'elle n'eût que peu d'emprise sur cette nature à la fois légère et volontaire, elle sentait que sa sœur trouvait en elle un appui, en tout cas une confidente aux heures pénibles. Elle eut la surprise de la voir gaie, satisfaite. Lionel l'avait autorisée, 2 jours auparavant, à passer 24 heures à Nice, c'est Brigida Tchernine. Dans les semaines suivantes, quand Madame de Camparennes descendit en ville, elle emmena aussi Mao radieuse, toute fière d'avoir enfin vaincu la résistance de Lionel. « Toi qui me conseillais la patience, la soumission, disait-elle à Gemma, tu vois comment il faut agir avec des hommes. Où en serais-je si j'avais tout accepté placidement ?» Elle avait retrouvé son entrain. Cependant, Gemma lui trouvait parfois mauvaise mine. « Oui, je me sens assez souvent fatiguée, je n'ai plus guère d'appétit, » répondit-elle un jour à une question de sa sœur. « Mais cela passera, je me suis tant ennuyée pendant quelque temps. » Salvatore venait dîner le dimanche au château. Il jouait ensuite aux échecs avec son grand-père, mais il ne s'attardait pas, chassé, pensait Gemma, par la musique détestée de Lionel. En revanche, il venait presque chaque jour dans la bibliothèque, à l'heure où M. de Camparène travaillait avec sa secrétaire. Ils s'entretenaient de sujets littéraires ou autres, et les heures passaient trop vite au gré de Gemma. Donna Laetitia passait une partie de ses journées dans le laboratoire. Elle étudiait un nouveau procédé de teinture et, rentrée dans son appartement, préparait une communication qu'elle devait faire dans un prochain congrès. Un matin, Gemma, en entrant au rez-de-chaussée de la tour, où elle reportait dans les armoires aux archives des documents déjà examinés, trouva Zora étendue sur le sol, sans connaissance. Un filet de sang coulait de son front qui avait dû heurter l'angle très aigu d'un meuble voisin. Gemma se pencha, souleva la tête inerte. Ce mouvement ranima Zora qui ouvrit les yeux. Vous ? Ah, Pavel ! Elle me tuerait ! Ses grosses lèvres peintes tremblaient en balbutiant ces mots. « Que faisait-elle ici ?» pensait Gemma, tout en arrangeant un pansement sommaire. « Si vous pouvez marcher, » dit-elle, « je vous emmènerai chez moi pour vous refaire cela un peu mieux. » Elle aida la naine à se lever, lui mit le bras sous le sien. Toutes deux quittèrent la tour, passèrent par la bibliothèque, où se trouvait seul Achille Bardou, le secrétaire, et gagnèrent la chambre de Gemma. Zora, sans mot dire, laissa la jeune fille faire un pansement dans les règles. Ses yeux noirs suivaient attentivement tous les mouvements des doigts fins, si habiles. Quand ce fut fait, Gemma déclara « Voilà, ce ne sera rien. Vous pouvez maintenant retourner dans votre chambre. Demain, je vous referai cela, ou bien Aurélie s'en chargera. » « Non, vous !» Une sorte de douceur passait dans le regard de la naine. « Vous, vous êtes bonne, pas votre sœur, mais elle paiera, elle paiera !» Une joie sauvage, tout à coup, passait dans ses yeux. « Et Laetitia, elle a voulu me tuer, elle m'a jetée par terre, mais je me vengerai !» Gemma contint avec peine un mouvement de répulsion devant ce visage tout à coup convulsé par la haine. Elle dit d'un ton de reproche « On ne doit pas se venger, Zora, et ne prêtez pas aux autres des intentions qu'ils n'ont pas eues. Venez maintenant dans votre chambre. » La naine se laissa conduire chez elle. La pièce qu'elle habitait était un fouillis de robes, d'objets de toilette, de boîtes de confiserie vides. Elle était saturée de parfums trop forts qu'aimait Zora. Gemma s'empressa d'installer celle-ci dans un fauteuil et de se retirer, en se promettant d'envoyer le lendemain Aurélie renouveler le pansement. Qu'y avait-il de vrai dans ce que disait cette petite créature effrontée? Oui, il était possible que Donna Laetitia, la surprenante aérée dans cette partie du château où elle n'avait que faire, l'eût rudoyée, repoussée brusquement, sans s'inquiéter ensuite de ce qu'il était advenu. Elle détestait la naine et Gemma se rappelait qu'elle l'avait accusée de lui voler des papiers. Mais de là à vouloir la tuer... Quant à Mao, il était également vrai qu'à l'exemple de Lionel, elle traitait Zora avec un mépris fort insultant. Or, la naine, au nombre de ses défauts, comptait une vanité extrême qui, pour risible qu'elle fût, pouvait la rendre dangereuse quand on la blessait. Ce même jour, après le déjeuner, tandis que l'on prenait le café dans le salon jaune, Mao disait à son mari « J'ai envie d'aller cet après-midi avec Gemma voir les sculptures de Salvatore. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, je pense. » Lionel eut son petit rire sarcastique habituel quand il était question de son cousin. « Aucun, cher ami, allez admirer les chefs-d'œuvre de Salvatore. J'espère qu'il sera dans un bon jour et ne vous fera pas trop grise mine, à moins que Paola vous mette à la porte. » Monsieur de Camparène protesta. « Voyons, Lionel, on croirait parfois à t'entendre que ton cousin est un sauvage ou un malotru, alors qu'il n'y a pas plus gentilhomme que lui. » « Gentilhomme, soit, mais à sa façon, qui n'est pas toujours fort agréable. » « C'est un original, » ajouta Madame de Camparène. « Je n'ai jamais bien compris sa nature. Il est très renfermé, par orgueil, je pense. » Salvatore n'est pas orgueilleux, dit Laetitia. Elle reposait sur une table, près d'elle, la tasse qu'elle venait de porter à ses lèvres. Il n'est pas non plus si compliqué que vous le supposez, ma cousine. En réalité, c'est un sensible qui craint les chocs et se fait une armure de froideur. Le rire désagréable de Lionel s'éleva de nouveau. Insensible, tu crois? Après tout, tu le sais peut-être mieux que moi s'il t'a fait des confidences des secrets de son cœur. Salvatore ne fait pas de confidences de ce genre, dit sèchement Laetitia. Ses sourcils noirs se rapprochaient, une lueur d'orange semblait passer dans ses yeux sombres. Naturellement, c'est un trop discret personnage. Quoi qu'il en soit, je vous autorise à aller admirer ses œuvres, Mao, quoiqu'en vérité, je me demande ce que vous y trouverez d'intéressant, car vous m'avez dit un jour que peinture et sculpture vous laissaient assez froide. Je suis quand même capable d'apprécier ce qui est de la beauté, riposta Mao, piqué par le ton railleur de son mari. Tant mieux, tant mieux. Je n'ai pas l'intention de vous reprocher cette petite distraction bien innocente. Et maintenant, cher Mao, ayez l'amabilité de nous apporter le jeu d'échecs pour la partie de grand-père. Un peu plus tard, Gemma et Mao se dirigèrent vers le logis de Salvatore. Il avait neigé quelques jours auparavant. La sombre verdure des sapins et des mélèzes disparaissait sous cette blancheur glacée. Mao s'enveloppait dans sa cape de vison. Elle, qui n'était pas frileuse, le devenait maintenant. Au pavillon, Paola leur apprit que son maître était descendu au village pour rendre visite au curé. Il ne rentrerait probablement pas avant la nuit. Mao laissa voir sa déception. « Moi qui voulais voir ces statues, peut-être qu'un autre jour, Lionel ne sera pas disposé à me laisser venir. »« Je peux vous les montrer, madame, si vous le désirez. » Mao accepta et Paola introduisit les deux sœurs dans l'atelier. Tandis que Gemma montrait à Mao les œuvres déjà connues d'elle, la servante disparut et revint peu après, apportant du vin d'Espagne et des pâtisseries de sa confection. « Cela réchauffera ces dames de goûter un peu, » dit-elle. Tout en gardant des manières réservées, elle n'était plus la femme rigide, peu avenante, que Gemma apercevait à la sortie de l'église et qui répondait avec une si sèche brièveté à Laetitia quand celle-ci lui adressait la parole. Dans ses yeux noirs, il y avait une certaine bienveillance, surtout quand il se posait sur Gemma. Mao venait de s'asseoir après avoir fait le tour de l'atelier. Elle se fatiguait vite maintenant, ainsi que Gemma l'avait remarqué. « Vous ne vous ennuyez pas dans ce pavillon perdu ?» demanda-t-elle, tout en prenant un gâteau dans le plat d'argent que lui présentait Paola. « Mais non, madame, je travaille et j'aime la solitude. »« Et monsieur Salvatore, pour un jeune homme, ce n'est pas gai ici. » Lui, il a sa sculpture, ses livres, ses promenades. Il sait toujours s'occuper. Comme ma sœur, ils ont bien de la chance, les gens qui ne s'ennuient pas. Elle commença de mordre dans le gâteau, visiblement sans appétit. Mademoiselle Auberte va bien maintenant ? Demanda Paola, s'adressant à Gemma. Beaucoup mieux tout au moins, mais je crains qu'elle ait toujours une frêle santé. D'après mon mari, elle tient cela de sa mère, dit Mao. Paola secoua la tête. Mademoiselle Juliette était fine, délicate d'apparence, mais elle avait très bonne santé quand elle est arrivée ici. Elle a commencé à changer environ un an après son mariage. C'était peu de choses, mais elle n'était plus la même. Après la naissance de la petite Auberte, son état s'est aggravé. Elle a été plus mal, mais elle a traîné encore assez longtemps avant de mourir. Les médecins n'ont pu dire ce qu'elle avait eu à cause des symptômes contradictoires, ont-ils prétendu. Paola soupira en ajoutant « Elle était si charmante, quelle tristesse de… » Sa phrase resta en suspens. Gemma pensa qu'elle avait voulu dire « Quelle tristesse de l'avoir vue si malheureuse !»« Et Lady Laura, de quoi est-elle morte ?» demanda Mao. « Je l'ignore. Je sais seulement que ce fut un mal subit qui l'emporta. Une belle femme, très fière, du moins à l'apparence, car je l'apercevais seulement de temps à autre. » Mao porta à ses lèvres le verre de fin cristal, but une gorgée de vin, puis le reposa sur la table que Paola avait avancée entre les deux sœurs. « Que je me sens fatiguée !» dit-elle. « Reposez-vous bien, madame, et si vous voulez, je puis téléphoner au château pour demander la voiture. » « Oui, je crois que ce sera mieux, » dit Gemma. Elle regardait avec inquiétude la physionomie un peu altérée de sa sœur. Mao acquiesça du geste. Elle resta sans parler jusqu'au moment où arriva la voiture qui emmena les deux jeunes femmes jusqu'au château. Gemma accompagna Mao jusqu'à sa chambre et aurait voulu qu'elle se couchât, mais Mao s'y refusa. « Ce n'est rien, je vais me reposer jusqu'au dîner. Préviens seulement Lionel, car je crois qu'il avait l'intention de faire de la musique. » Gemma trouva son beau-frère dans le salon jaune, près de la cheminée où brûlait un grand feu de bois. Il lisait une copie de l'ouvrage sur les familles nobles de Provence que M. de Camparène et Gemma avaient terminé récemment. Ce fut avec une mine attristée qu'il accueillit la communication de sa belle-sœur. « Cette chère Mao, oui, qu'elle se repose, c'est le froid qui a dû l'indisposer. Elle ne semble pas bien depuis quelque temps. Ne l'avez-vous pas remarqué, Lionel ?» Il parut réfléchir, les paupières un peu abaissées. « Oui, elle n'a pas très bonne mine. Je ferai venir le docteur Gendre. » Nous la soignerons bien, notre Mao, ma bonne Gemma. » Gemma ne sut pourquoi un frisson de malaise la saisit devant ce mince visage aux yeux mi-clos, dont les lèvres s'entr'ouvraient, montrant de fines dents aiguës.